comme un rêveur. J'ai tout le temps peur de manquer de beurre. Toutes les rêves du monde sont en vente dans des beaux grands sacs de vent rose, mais trop de beurre et ça écoeure. Et pour ceux qui n'ont pas de paix, c'est le gros lot de la loto qui est le beurre et l'argent du beurre. Ceux qui n'ont pas de beurre sur leur paix rêvent encore à l'éternité. Ici-bas, tous les peuples rêvent que la liberté c'est du beurre. Je suis un rêveur éveillé dans le dortoir de l'histoire. La réalité, c'est du pain. Le rêve, c'est du beurre. Moi, je colle mon pain comme rêveur. J'ai tout le temps peur de manquer de beurre. Je voulais faire de l'argent comme du beurre, vendre mes poèmes comme des petits pains. Mais j'ai du gros pain sur la planche. J'ai pétri mes mots des nuits blanches pour faire lever un pain d'amour. L'homme ne vit pas que de pain au beurre. Moi, je gagne ma vie à la raide et je rêve que je fonds comme du beurre. Dans les deux grands bras du bonheur, je rêve que tu es mon pain d'amour. Je suis un rêveur réveillé dans le dortoir de l'histoire. Si la réalité c'est du pain, le rêve c'est du beurre. Moi je compte ma vie comme rêveur. J'ai tout le temps peur de manquer de beurre. Là je suis un rêveur réveillé. Je rêve pour toute l'humanité qu'il y ait du pays de l'amour à chaque jour pour toute la terre. Little.